70 et 10 pour 100 pour 100. J'aurais du classable le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Bonne fête du jambon, tout le monde! Joie, félicité et bonheur, le très saint jambon s'est manifesté. La très sainte viande s'est effectivement incarnée en une fontaine gigantesque de salade de jambon amoureusement préparée. Amoureusement, que dis-je, dévotement préparée par Jessica Lesage et votre très dévoué. La cérémonie du couronnement déificateur de Ramsès II, aka The Great, ainsi que le 8e anniversaire des funérailles de Maurice de Rocket Richard, comme le veut la tradition, fut une fête mémorable, au plaisir aussi dénombrable que les abus. Et puis bien sûr, le tout fut organisé en l'honneur du très saint jambon. Dans cette orgie de réjouissance, la très sainte fontaine de jambon froid fut construite dans la plus pure tradition. 20 heures, la viande est travaillée. 21 heures, la fontaine est terminée. Les premières bénédictions prononcées. 22 heures, la fontaine est paradée devant les premiers célébrants. 23h45, selon la tradition, la très sainte viande est une fois de plus paradée. Les dernières bénédictions prononcées. Une heure après les dernières grâces, la viande est offerte aux célébrants. Imaginez-vous devant cette montagne de viande ruisselante de jus de cuisson, d'un rose apaisant, variable et jambonné. La fontaine fut un succès retentissant qui unit tous ces célébrants dans son amour universel et sa saumure au goût unique. Je tangue entre fierté et bonheur quand je dis un simple et sincère merci à tous les célébrants. Wow! Wow! De toute beauté, épique, vraiment, La Fontaine de Jambon, une des plus belles réalisations de toute ma vie. Merci à Bruno Mercier d'avoir conservé les quelques bouts qu'on en a ici en image. Sinon, merci à tous les célébrants qui étaient venus pour la première d'une longue tradition ancestrale de fête du jambon. Et c'était d'ailleurs le 25 mai passé, 25 mai, bon anniversaire du jambon, tout le monde. Bonne fête du jambon. C'est aussi la fête de douteux.org. C'est comme vraiment une drôle de circonstance de, tu sais, waouh, hein, tu sais. Wow. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que bientôt, le 9 juin, vu que c'est la fête du jambon, on organise un party. Cette fois-ci, ça va être au Bistrot de Paris, puis il va y avoir un karaoké avec mon pote Giz, qui est cool en Chris Giz. Puis là, ben, il va y avoir aussi des prestations sur place. Sûrement qu'on va avoir des affaires à thématiques douteuses comme on en a souvent. Hey, check ça, comment c'est beau. Moi, j'étais à l'épicerie, là, puis je tassais comme ça le jambon dans le rack. Je pense qu'il y avait 400$ de jambon là-dedans. Il y a des végétariens qui ont dit « J'en prends pour célébrer avec vous la fête du jambon. » Ça avait été de toute beauté. Mais sinon, donc, on fête ça le 9 juin au Bistrot de Paris avec karaoké et le reste. Et ça m'amène à parler un petit peu de douteux.org et du reste. J'aimerais en profiter pour très sincèrement vous donner votre paye à tout le monde, tous ceux qui nous aident dans cette belle entreprise qui vise à ramener le doute au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire... Merci, gang. Merci bien, gros. C'est ça. C'est pas mal le plus payant qu'on peut y aller. Mais sinon, ben, ça fait qu'il y a des amis, puis il y a de la viande, des fois. J'avais fait ça avec Jessica, en plus, c'était dans le temps. Sinon, aujourd'hui, j'ai l'excellent Emmanuel Côté-Séguin qui est dans le salon. Il est chaud, chaud, chaud. Gaetano était manipulé, mais en fait, l'ami de Gaetano, qui s'appelle Gunther, bien sûr, était manipulé par la pierre mauve qui avait sorti du golem. On va voir où c'est rendu. Et sinon, il y a Bruno aux nouvelles. On a Andy qui va nous parler d'une nouvelle salle. Et restez avec nous après 70%. Et même, en fait, tout au long de l'émission, je vais mettre des petites séquences de Ricky O, le film de ce soir, The Story of Ricky. C'est vraiment très visuel. Il y a plein de séquences de ce film-là que vous avez déjà vues sur les internets, c'est sûr et certain. Mais là, on va l'écouter d'un bout à l'autre. Comme on aime faire, nous, vous allez pouvoir comprendre que c'est difficile de comprendre Ricky O, The Story of Ricky. Sinon, il y a aussi un spécial qui se passe toute la soirée au Brouhaha. Et j'en ai quelques petites bribes ici. C'est-à-dire qu'on va écouter des vidéos de formation. Parce que Simon Préjean vient de passer 3 semaines dans une caverne avec l'électricité et puis il est sorti avec une compilation où en fait il a comme rippé, compilé, découpé tous les vidéos formations qu'on avait chez douteux.org. On était à plus de, comme il disait, 160. Il était venu, voilà 2 semaines, à 70%, nous parler des titres les plus évocateurs. Et donc là, il a probé, comme on fait pour vous souvent, il est allé chercher la nouvelle comme TVA et il l'a sorti pour la donner à tout le monde gratuitement comme douteux.org. Et à ce moment-ci, ben, on va se lancer dans le premier clip de la journée qui, je me rappelle plus trop, ça a rapport avec quoi? Ah, ça a d'ailleurs rapport avec un montage de Simon Préjean sur les vidéos formation. Restez avec nous pour une grosse heure bien chargée. And what you gonna do about that? Let's go aussi. Now, and get ready to learn all those fresh ways of moving your feet. Wait on right toes. Pull left foot back. Keep it flat. Now shift weight onto left toes. Right foot back. Keep it flat. Shift. Right toes. Once you get good, you can incorporate hand movements. For the runner, hands in opposition to feet. Or the monkey bars. Hey, you're rolling now. Let's go to heel. Right toe, left heel, pivot. Right heel, left toe, pivot. Toe and heel, pivot. Heel and toe, pivot. Speed it up now and add some arm movements when you get good. Our models are all attractive women, but see what happens when we add the right makeup. Here's Sandy without makeup. And here she is looking glamorous. Doesn't she look wonderful? Janet looked like this without her makeup. And now, see how great she looks? And here's Sally. And here she's radiant. This is how Vivian looked without her makeup. Now see how the right makeup makes her glow. Knowing we look wonderful on the outside can help us feel beautiful on the inside as well. Sur douteux.tv, les manchères internationales avec Bruno Corbin. Ah. Bonsoir. On y va avec quelques petites nouvelles de la semaine. Ben, c'est pas vraiment de la semaine, mais bon. Après une soirée bien arrosée, Aaron James de Riverside, en Illinois, a pris le volant de sa voiture. En fait, de la voiture d'un ami. Et s'est fait arrêter avec un taux d'alcoolémie de 0.155, soit presque le double de la limite permise. Madame James a intentionnellement utilisé une voiture qui ne lui appartenait pas, car la sienne contient un alcotest qui l'empêche de conduire si elle a bu de l'alcool. Ah. Folle. Lors de son arrestation, elle a affirmé aux policiers qu'elle était sortie ce soir-là pour célébrer le fait qu'elle avait réobtenu son permis de conduire après l'avoir perdu pour conduite en état d'ébriété. C'est la meilleure façon de faire ça. Ça se tient, ça se tient. Voilà, c'est une championne du jour en esti, mon gars. Est-ce qu'elle fait appel à ses droits de citoyenne en tant que brimée et puis voilà. Non, je pense qu'elle n'en a pas parlé. L'histoire le prend pour acquis. Ouais, c'est ça. Let's go pour une autre, mon Bruno. D'accord, alors que ses parents étaient hors de la ville, un adolescent de 14 ans de Prospect Heights en Illinois toujours a décidé d'engager une prostituée sur Internet. Malheureusement, la prostituée avait d'autres plans pour lui. Arrivé sur les lieux, Dareka Brooks, 22 ans, lui aurait demandé de baisser son pantalon et lui aurait ensuite aspergé le visage de poivre de Cayenne pour lui voler son iPad et sa tirelire et décrisser. La police a plus tard été capable de retracer la prostituée en la localisant avec le iPad volé. Elle a été arrêtée pour vol à main armée. C'est quoi? Il y a un GPS dans les iPads. Ouais. Oh, bateau. Ouais, tu peux les retracer. Ah, c'est quand même. Moi, ils en mettent dans les chars, ils peuvent bien en mettre dans Steve. Beware! Fait que du poivre de Cayenne, ça se qualifie comme main armée. Ouais. Et bateau. Ça, pour vous. En tout cas. Bon, c'est ok. Comment on fait ça? C'est bon à savoir. Ben, let's go, you know. D'accord. Etta May Lopez avait décidé d'arrêter de fumer. Malheureusement, pour elle, elle manque un peu de volonté. Elle aurait voulu aller en désintox, mais son assurance ne le couvrait pas. Elle s'est donc retournée vers la seule solution logique qui s'offrait à elle, gifler un policier pour aller en prison. Elle s'est installée devant un poste de police et a attendu que le policier sorte. Matt Campboy, adjoint du shérif, s'est retrouvé face à face avec la femme qui lui a bloqué la route. Il a ensuite frappé au visage. Lopez a quand même réussi son pari et a été condamné à 63 jours de prison. Ah, de toute beauté, mon gars. Bon, ben, c'était trois premières pour la journée. C'est mes trois premières. Ça veut dire qu'on vient de finir notre premier bloc à 70%. Puis je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter quelques petits clips. J'ai une affaire, ça s'appelle Dragon Z Bald P. J'aime bien ça. Ça vient encore de quand on a fait le YouTube Battle là, pour qu'on se fasse des clips sur le dos des personnes qui sont venues nous les donner inconsciemment. Uh-huh. Et maintenant, on partage à douteux.tv la télé délaissée. Laissez. Darn you, Kaka Carrot Cake. You have no real super sand. What do you mean, Virginia? I'm going to fight you. What are you, insane? Yes. Prepare yourself. Cabbage, because I'm going to fight you, and I'm going to kill you, until you're dead, today. No! I am defeated. You big smelly willy. That's what you get for acting to Mickey, Virginia. Defeating a sandwich only makes it tastier. Go. Don't let me see you on my earth again. I'll be back. Faggot. DemonVault.com. Je la trouvais pas mal drôle, celle-là. C'est un extrait du film de ce soir. Ça va être suivi d'un montage d'entraînement. Now I want you to practice. Use your strength well. Yeah! Yeah! Hi-ya! Ricky, take advantage of your strength. Ricky, Qigong feeds on strength and gets stronger and stronger. Give it a try. De retour parmi nous, fait que j'ai perdu ma chronique temporaire. Donc, étant donné que je suis un excellent inventeur de chroniques et qu'il n'y en a pas une pareille, je vous présente donc ma chronique « Sortez-moi d'ici ». Donc, samedi, j'ai eu le plaisir d'avoir été invité dans un endroit pas piqué des verres qui s'appelle la salle de danse Club Helios. D'ailleurs, j'ai une vidéo de présentation, on va juste le montrer vite, puis après ça, on s'en va. Ah, ok, on c'est bon. Donne-moi deux secondes, on y arrive. Oui. Je vais commencer, dans le fond, en vous énumérant le texte qu'il y a directement sur le site web. La salle de danse Club Helios vous souhaite la bienvenue. Venez vous amuser le vendredi soir, le samedi soir et rencontrer des gens intéressants de tous les groupes d'âge. Venez seul ou accompagné et dansez sur une musique toujours de la dernière heure. Vous verrez sur nos télés des clips des plus récents, tout cela dans une ambiance des plus chaleureuses. Nous avons un personnel courtois et chaleureux. Vous danserez sur un plancher de danse d'une superficie de 3000 pieds carrés. Alors, c'était le texte de présentation du Club Helios qu'on voit ici de frontispice. Ça fait quatre fois qu'on voit les mêmes photos. Oui, c'est je l'ai loupé. On est dedans. On a pour 3 minutes de la même affaire. Mais la musique, comme fait voir, c'est une pièce. Anyway. Donc, j'ai énuméré des pour et des contre du club. C'est quelle adresse, ça? Ah, je le donne à la fin. Ah, OK. J'ai pensé à tout. Tout le monde peut y aller. Donc, dans le fond, les pour 10$, on a droit à un cours de danse en ligne au début, 30 minutes, un billet de participation pour un rabais de 10$ au bar et un succulent buffet de petits sandwichs avec croûte, parce qu'on n'est pas des momounes, avec du café dilué, renversable aisément sur une table et aussi des petites salades là, qui étaient quand même très délicieuses, des salades d'haricots. Oh, c'est cute. Oh, c'est vraiment cute. Le décor est très actuel, orange sur brun, lanterne de Chine en papier mâché de couleur arc-en-cielesque, décorations diverses en métal qui donnent un aspect multiculturel à la salle, tamisé à souhait. Un aspect multiculturel. Oh, oui. J'aime ça. Oui. des lumières de Noël orange ainsi que des silhouettes dansantes faites. À noter, la guitare Rock Band accrochée au mur donne à cette salle le modernisme qu'on pourrait rajouter. C'était fascinant. Jacqueline, ça c'est un autre pour. Jacqueline, experte et scientifique de la danse en ligne, nous montre, avec un entrain que je considère légendaire, des danses toutes plus compliquées à mesure que la soirée avance, que ce soit le mambo en ligne, l'electric slide ou bien Swiffle en diablé. Elle seule connaît ses secrets, en passant, je suis sûr qu'elle en a inventé, puis elle est tout seule à aller danser. Là. il faut être un génie pour pouvoir la suivre, ce que plusieurs ont essayé et ont échoué. T'sais. Ça, c'est rassurant parce qu'on n'était pas les seuls à pas être capables de suivre. Okay. Puis je suis sûr qu'elle en a inventé, ça ne pouvait pas être autrement. Daniel. T'es jaloux, man. Un petit peu, oui. Daniel, un serveur extraordinaire qui n'a aucun secret, ni pour les rum and coke, les gin tonic et le Saint-Raphaël doré qui prépare amoureusement et à la perfection. les contres. J'ai rien répertorié un contre. Dans le fond, c'est pas l'endroit où aller si vous êtes des professionnels d'une certaine danse, que vous avez 25 ans. Il y a d'autres places où aller. Si vous vous essayez de shiner dans un club comme celui-là, vous êtes vraiment dans le mode facile de votre jeu. Là. OK. Et ça s'est passé. Un autre fait à noter, les différentes personnes en effet, c'est multiculturel. On a vu des Haïtiens, on a vu des Asiatiques, des dames asiatiques de tous âges, c'est vrai. Nous, on était les plus jeunes, mais ça rangeait entre 40 et 70 ans aisément. Et d'ailleurs, un jeune homme de 72 ans facilement danser avec deux madames en même temps. Donc, honnêtement, là, oh, et les personnes, honnêtement, les personnes entre 50 et 70 ans n'avaient absolument rien à envier aux patates qu'on est. Et d'ailleurs, j'ai reçu une morale, moi, d'un homme sage d'une soixantaine d'années, en fin de soirée. C'est cute. C'est quand même cute. J'étais seul, je suis allé me placer parce qu'il est venu me ramasser pour me dire ça, c'est les deux danses en ligne que tu as appris au début. Fait que je fais, OK, c'est beau, je vais y aller. T'sais, j'étais tout seul, mais je vais y aller. Puis il m'a, je suis arrivé à côté de lui, puis il m'a dit, et c'est la morale, t'es personne. Personne te regarde. Fait que t'es mieux de te déhancher pour t'en profiter. Et ça, j'ai grandi. D'un coup, j'ai gagné un niveau. Alors, le site web, www.salle de danse Helios, H-E-L-I-O-S, de toute façon, on l'a vu plein de fois dans la photo, .com. L'adresse est le 1238 rue Bélanger à Montréal, Québec, H2S1H8. Vous pouvez appeler pour réserver. C'est 10$ la soirée, comme je vous dis. Ah, puis mais 10$ gratuit, là, parce que ton 10$, tu l'as au bar après, si j'ai bien compris. Si tu gagnes. Et il y a aussi un moitié-moitié au courant de la soirée. Donc, pour 5$, tu peux te ramasser avec 15 billets et gagner le moitié-moitié. C'est une soirée, honnêtement, là, c'est une soirée, une salle, une ambiance électrique. Laissez faire les clubs de danse que tu connais toutes. Le Helios, ouais, c'est l'endroit. Ben, c'est le club in. On va-tu aller fêter les 5 ans là? C'est... Non, pas les 5 ans, parce qu'on est au Bistrot de Paris. Ah oui, mais c'est vrai. Étant le directeur des événements et ayant une préférence pour ce genre de choses-là, je vais tenter tout en mon pouvoir qu'on fasse le Noël du campeur. Là, je pense que l'ambiance serait vraiment... Ça a l'air avec les ballons et tout, là, ah ouais, ça a l'air parfait, d'être direct ce qu'on veut. Ouais. Ben, merci beaucoup, Andy. On poursuit dans l'émission avec quelque chose d'assez spécial qui vient également de la belle collection de clips qu'on a eu. Puis il va y avoir aussi juste après, checkez bien ça juste après, là, il va y avoir deux clips de montage que Simon il m'a donné à vous passer là, pour une petite mise en bouche sur les vidéos de formation. Bon, je l'ai dit, on est à douteux.tv à 70%, checkez bien ça. Samuel, il ne parle pas. ne riait pas. Il faisait toujours comme ça. Bip, bip, bip, bip. Le clown Samuel aime les enfants. Aime les enfants, le clown Samuel. Il ne parle pas. Chut, il ne riait pas. Il faisait toujours comme ça. Bip, bip, bip, bip. Oink, oink, oink, oink. Le clown Samuel aime les enfants. Aime les enfants, le clown Samuel. Il ne parle pas. Chut, il ne riait pas. Il faisait toujours comme ça. Bip, bip, bip, bip. Oink, oink, oink, oink. Le clown Samuel aime les enfants. Aime les enfants, le clown Samuel. Il ne parle pas. Il ne riait pas. Il faisait toujours comme ça. Clown Samuel? A pity the fool. Rush the Deutsch. Proclamation. Man, you're 60. Bleh. We'll show you 14 of the sexiest Southern California beauties in string bikinis and high heels firing the sexiest fully automatic machine guns in the world. Hi, my name is Kathy, and I'm shooting the AK-47 automatic rifle. This gun is equipped with a folding metal stock. I really didn't expect it to knock me back like that. I'm a bodybuilder and can bench 210 pounds. So once I got the hang of it, I could relax and really enjoy this gun. My brother's got the semi-auto version, and we've always talked about automatic fire. I love America, and I'm glad to live here. I do whatever it takes to preserve our freedom, and I hope you would too. Hey, salut tout le monde! Allô Emmanuel, bonjour. On est content de te revoir pour la je suite de ton histoire. Hey, certain, merci à tout le monde d'être allé voter. J'annonce en grande primeur, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est vraiment pas caché, fait que c'est pas vraiment une primeur, que l'option qui a gagné tous, c'est qu'il essaie de raisonner Gunther, contrairement à le combattre ou à forcer son chemin. Ah ouais, on est encore diplomate dans le monde dans lequel on vit. Ça a l'air, en tout cas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, la porte de la ferme s'était refermée et on entendait les doubles loquets à bascule s'installer bien confortablement dans leurs ancrages. Gaetano se tourna vers son fidèle compagnon, qui levait les bras au-dessus de sa tête, les mains crispées sur une hache qu'il aurait préféré voir dirigée vers autre chose que son crâne. Gaetano n'était pas considéré comme le plus conservateur des aventuriers. Il se qualifiait lui-même d'esprit libre, mais il aimait bien conserver l'intégrité de sa boîte crânienne. L'arrêt au milieu ne lui faisait guère et il ne voulait pas l'essayer du nez à la nuque. Il était traditionnaliste comme ça, vous voyez. C'est pourquoi il fit un pas vif de côté lorsque Gunther abaissa sa hache puissamment dans l'espoir de rectifier la coiffure de son ami. L'arme effleura sa poitrine et Gaetano poursuivit son mouvement vers l'arrière, tentant d'interpeller son ami et de lui faire entendre raison. « Qu'est-ce que tu fais là, Gunther? Tu essaies de me tuer? Je sais que je n'ai pas toujours été juste dans la répartition du butin, mais rappelle-toi tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. La chasse aux gallinacées voraces, l'esclandre autour des Flandres, la cacahuète qu'on avait prise pour le rubis maudit de Lesbos, la bastonnade du bar 1 lundi. » Ils ont vécu vécu plusieurs aventures. Tout au long de son soliloque, il tentait de faire réagir Gunther. Il essayait de trouver une étincelle familière dans les yeux vides de son compagnon baigné dans la lueur violette qui émanait de la pierre sertie au cœur de sa poitrine. Oh. Tout ce qu'il recevait comme réponse, c'était des grognements gutturaux et des coups de hache de moins en moins précis, mais de plus en plus violents. Il ne pouvait se résoudre à répliquer, se rappelant l'explosion hélicoptéresque qui avait suivi la destruction de la gemme sur le golem. Il se contentait donc d'éviter chaque coup, glissant de ci, de là pour esquiver chaque taille de la dangereuse hache de guerre tout en invectivant son porteur. Son adversaire semblait infatigable, tandis que, pour Gaetano, l'effort combiné d'esquiver à répétition tout en essayant de raisonner Gunther devenait de plus en plus taxant. Si bien qu'au plein cœur d'une phrase tentant de se pencher pour éviter une frappe puissante, Gaetano perdit pied et se retrouva par terre acculé sur le mur d'une grange. Gaetano! Sans issue. Non! Sachant que le prochain coup lui serait probablement fatal, il décida de s'en remettre à sa dernière carte, son atout qu'il se gardait pour la plus désespérée des situations. Gunther! Tu ne peux pas me faire ça! S'écria-t-il alors que son éternel compagnon levait son arme pour en finir. Je... t'aime! Oh! Oh! Oh shit! Hein? Ce dernier mot fit sourciller Gunther qui suspendit son geste à mi-chemin dans son arc. Gaetano, plein d'espoir, sonda le regard du guerrier, mais n'y trouva rien de nouveau. Avec un sifflement strident, la hache vint finir sa course dans la clavicule de Gaetano, tranchant profondément dans la poitrine de ce dernier. Il laissa échapper un cri de douleur intense, commençant à s'étouffer dans ses propres fluides. Il leva faiblement une main meurtrie vers son ami devenu exécuteur. La dernière chose qu'il aperçut avant de fermer les yeux fut la gemme violette qui pulsait avidement devant ses pupilles dilatées tandis que la hache s'abattait une ultime fois. Non, on est mort! Que fera Gaetano? Il s'évite de son sang et essaye d'étouffer Gunther avec. Deux, il devient de l'engrais pour le fermier et ses deux femmes et ses deux filles. Ou trois, il devient un fantôme et va hanter Brunilda jusqu'à la fin de ses jours. Et évidemment, toutes ces réponses vont arriver. Il est mort. C'est la fin. C'est la fin de Gaetano. Ben ouais, ça arrive, hein? Ouais. C'est une joke, là, les choix, on n'a pas. Ouais, c'est une joke, ben, non. C'est on a mal choisi. Ben, il n'y avait pas de mauvais choix. Il est mort. Ben, est-ce que tu vas revenir nous en faire une autre? Vous en faire d'autres. Okay, est-ce qu'il va y avoir un vote à faire encore? Est-ce que c'est pour peut-être la prochaine fois que je vais venir voir, ça va être avec des options de la prochaine aventure. Ah! De thématiques. Fait que là, on n'a pas à aller voter. Vous n'avez pas à aller voter, mais vous pouvez me faire des suggestions si vous voulez sur des thématiques. Une prochaine aventure. Ouais, mais il a triché, perdu. Man. Mais t'as pas gardé tes doigts dans une page? Il a triché, man. Non, c'est ça. Je le savais qu'il fallait pas brasser l'idée de combat dans ces cossins-là. Ah ben, merci beaucoup, Emmanuel. Ouais, ça m'a fait plaisir. Tu peux-tu me parler un petit peu de douteux.org, toi, 5 ans? Y a-tu quelque chose qui te vient à l'esprit, là? Regarde la caméra, puis sois émotif, là. Beaucoup de plaisir et d'agrément. C'est tellement beau. On s'en va écouter Mega Mara. C'est un gars, un japonais, qui fait des clips assez spéciaux. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon, nous autres, on les diffuse. À douteux.tv, merci Emmanuel encore. R.I.P. Gunther. That's how it is. On reconnaît un petit peu le style du monsieur. C'est lui qui met des faces de bébé à toutes les fois qu'on est pour voir un crotch de gars. Il en a fait plein. Checkez ça. J'adore. Metal Gay Solid, c'est mon préféré, je pense, à date du gars. Il y a la botte plug dans les items de Snake qui se promène dans le dépotoir de Charles. En tout cas, encore quelques petits clips avant de revenir avec Bruno pour les dernières nouvelles. Celle-là, je l'ai trouvée sur le compte de Syriac. C'est le gars qui fait les animations flyées là, avec des poules, puis des vaches, puis des pubs pour de la gomme. Là. Ok, ouais, tu l'amènes dans le fond de ici. Là, tu fais plus, puis. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out, or I'd pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. George, pick up. I know you're screening for Allison. C'est noir, hein, la hey. Photo, ouais. So, coffee shop? No, I can't. She knows I go there. It's not secure. Hey, I got another call coming in. I gotta let the machine get it. Bye. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out, or I'd pick up the phone. Where could I be? George, are you there? Bon, ok. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va écouter deux clips qui sont tirés du film de ce soir de Ricky O, The Story of Ricky. Celui-là, je l'ai gardé simplement pour vous montrer un concept bien, bien douteux qu'on adore, c'est-à-dire la bédaine pour rien. Le gars, il est habillé, et voilà. Presto, on est en bédaine pour rien. Ça va vite des fois. Ricky, you're all right. Oscar, don't do this to yourself. We'll die together. All right, you got a lot of guts, Oscar. But I'll kill you. You won't quit, will you? En lice pour le moins bon plan de tous les temps, essayer d'étrangler quelqu'un. Et voilà, comme dans Mortal Kombat quand c'était cool. For now we are live in Orange County. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Channel 9, Eyewitness News. To party too. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gustavo Almodovar. Gustavo Amadeovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Moi, je pense que c'était le mien, le meilleur. Ben ouais, non, c'est définitivement le mien. Yeah. Gustavo. Moi, je vais y aller avec Emmanuel Almodovar. Parce que je veux pas que tu gagnes. Okay. Ben, sinon, c'était Bruno, c'était pas moi. Ok, Bruno. Bon, ben, tu vois, les pôles sont okay, faites, les nœuds contre les vieux. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. pas moi. Extrême centriste. Let's go, Bruno, amène-nous dans le joyeux monde de d'accord, l'univers. D'accord, alors, Patrice Sanders, une chauffeuse d'autobus scolaire floridienne, venait d'aller chercher les enfants à l'école quand elle a entendu deux élèves se disputer. Sanders a alors décidé de prendre les choses en main et d'amener l'autobus chez elle afin de préparer une arène de combat où les deux filles, une de 13 et l'autre de 16, pourraient régler leurs différends avec la violence au lieu d'utiliser d'inutiles mots. Elle a annoncé à tous les élèves que cette dispute devrait se régler en combat physique et leur a demandé de sortir de l'autobus pour assister au match. As-tu pris les paris? L'histoire ne le dit pas. La fille de 13 ans a annoncé qu'elle ne souhaitait pas se battre, mais quand Sanders décide que tu vas te battre, vas te battre. Elle a refusé le défi, mais elle a fait comme Don King, puis elle a dit non, non, tu vas le faire. Va le faire pareil. Le combat a duré jusqu'à ce que les deux soient tannés. Au moins un élève aurait filmé le combat et Sanders a ordonné les élèves de rentrer dans l'autobus ensuite. Quand les deux jeunes filles ont recommencé à se battre dans l'autobus, Sanders a une fois de plus arrêté l'autobus afin de les laisser terminer sans jamais intervenir. Elle aurait ensuite affirmé « Ce qui se passe dans l'autobus reste dans l'autobus. » Ou dans l'arène de combat. En arrière, visiblement pas, Madame Sanders. Juste en Floride. Mais à quelque part, c'est... En tout cas, non. Ouais, au moins, il a supervisé. S'il y avait comme un putain de tracker qui se faisait, mais ça doit être réglé pour vrai. Ils doivent plus chicaner. Tu penses? Ben, ils sont passés au stade sur YouTube, là, ils commentent le match. Let's go pour la prochaine. D'accord, alors Pete Jesse Rodriguez jouait à un jeu pauvrement conçu avec le fils de 14 ans de son ami. Le jeu semble impliquer un revolver à un adolescent. C'est les deux items que t'as besoin pour jouer au jeu que tu nous présentes. L'adolescent semble avoir perdu, se faisant tirer une balle dans la jambe. Malgré le fait que le garçon se soit fait tirer dessus à 18h30 le mardi, ce n'est qu'à 2h du matin le mercredi qu'il a été transporté à l'hôpital. En effet, la mère du garçon aurait pris ce temps pour aller chercher blessure par balle sur le site médical WebMD. Rodriguez a été arrêté pour blessure grave infligée à un mineur. La mère risque des accusations de blessure par omission. Yeah. Voilà. Aïe, aïe, aïe, man, de toute beauté. Let's go pour une autre. Voilà, alors une dernière. Jonathan Hampton, un professeur de secondaire du comté de Marion en Floride, a été suspendu pour avoir touché une étudiante de façon inappropriée avec une banane alors qu'il donnait un cours sur les implications freudiennes du film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Oh. L'étudiante affirme qu'il l'aurait touché sur la tête et le cou avec la banane, la laissant embarrassée et humiliée. La grand-mère d'un étudiant de l'école qui a été interrogée... Parce que. Elle avait un statement. Affirme que le professeur ne devrait plus avoir le droit d'enseigner à des enfants. Ou du moins. L'avocat de Hampton affirme que l'affaire a été exagérée et que Hampton a simplement tapé l'étudiante avec une banane qu'il avait dans son lunch afin d'attirer son attention. Que des fois, une banane, c'est juste une banane. Oh yeah. L'école a quand même spécifié. Il a qui tue les métaphores. Yo, le yo. Tapoté. L'école a quand même spécifié qu'il avait usé d'un pauvre jugement en utilisant une une banane pour entrer en contact avec un étudiant. C'est vrai, après une suspension de 3 jours, Hampton est retourné en classe. Est-ce que c'est tout est bien qui finit bien? Je pense que, ouais. En tout cas, faites attention avec vos bananes, mesdames, messieurs. Hey, là-dessus, Bruno, toi, douteux.org, 5 ans, as-tu quelque chose à glisser là-dessus? Si je m'étais préparé, hein? Si seulement. Tu veux dire si tes seulement. Émotions, ils sont comme à définir, mettons. Non, je pense que ça résume bien tout le temps que j'ai passé à douteux.org. Si je m'étais préparé. C'est la phrase qu'il avait préparée. Excellent, c'est bon. Bon, ben, ça me fait plaisir là-dessus d'aller écouter. Je pense que je ne l'ai jamais entendu. Ça s'appelle Vaguement. Et en faisant des recherches sur l'excellent Jacques Villeneuve cette semaine, je suis tombé là-dessus. Donc, on écoute à douteux.tv, on écoute un clip de Jacques Villeneuve, la fierté québécoise. Non, plus du Québec. Maintenant, il veut plus. Non, il l'a expliqué dans le journal. Ouais. C'est à cause des étudiants. l'ennui, une étreinte brève. Les hommes de tes nuits sont pas ceux de tes rêves. Le temps d'un baiser qui réchauffe un peu. Le corps apaisé, tu reprends tes creux. Vaguement, vaguement, t'es pas certaine. Vaguement. Mais le fond de tes pensées, personne ne les connaît. Mais quelle importance, tout bouge, recommence. Toi tu veux seulement des voyages plus lents. Que le sont nos jours, nos histoires d'amour. Vaguement, tu te déchaînes, mais ça te rend sereine. T'as pour tes conquêtes le sourire des vagues. La musique secrète qui se fout des algues. Tu ouvres et tu fermes tes portes sur personne. T'as pas en je t'aime de futur qui résonne. Vaguement, vaguement, t'es pas certaine. Vaguement. Le fond de tes pensées, personne ne les connaît. Mais quelle importance, tout bouge, recommence. Toi tu veux seulement des voyages plus lents. Que le sont nos jours, nos histoires d'amour. Vaguement, tu te déchaînes, ça te rend sereine. Vaguement. C'est probablement un des bouts les plus visqueux de toute l'histoire de la chanson. On est en train de passer au travers, mais malheureusement, on n'était plus capable ici à douteux.tv, ce qui va m'amener à fêter les 5 ans de Douteux et cette fête du jambon de la manière la plus appropriée pour terminer l'émission. Merci beaucoup à Bruno Corbin, merci à Emmanuel, merci à Andy. La semaine prochaine, on revient avec Mathieu Boudreau, l'excellent Bernatché, Bruno encore qui est là. Sinon, ben restez en onde parce que juste après la chanson que je mets là pour clôturer le tout, on va faire comprendre, on va essayer de comprendre ensemble l'excellent long-métrage, qui c'est qui est le long-métrage de ce soir. J'ai nommé, bien entendu, The Story of Ricky, Ricky O. C'est en 1991, ça veut dire que ça a 14 ans si on compte en année Star Wars, et c'était un an juste avant Terminator 2. Vous allez voir, les effets spéciaux font pas penser trop à ça. Donc là-dessus, le dernier clip pour clôturer cette émission des 5 ans de la fête du jambon, de Douteux qui est Rules, c'est... On y va pour Edgar Bory et les Douteux, il avait fait cette chanson-là pour nous, et c'est tiré de son album... Edgar Bory qui se lançait à l'eau, là. En tout cas, moi, c'est son avant-dernier. Là. Pardon? Les canards, voilà. Voilà. Fou, les canards. Si, assez. Bon, Edgar Bory, les Douteux pour vous. Au jeu du cul. Blanche la nuit, rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur, au front de bœuf. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abuseurs d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs, nos volants. Du pied dans la boue, à du long d'au moins, c'est vous galou. Ça évitera des gaz, de l'effet de serre. Gagne ou t'en perds, des veines de femmes dans la France. Qu'est-ce qu'on se bourre, le désennui sous les déstars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les champs de choux. Chanchou, chanchou. Chanchou. sonne un bon, tout une donne, son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh, oh, oh. Question de réponse, mais non, pas de nous, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus est douteux, doute à nu. Quand la cloche sonne, un bon, tout te donne, donne, donne. Qu'est-ce qu'on s'est endormi depuis? Vive le vin, douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne son 70%. Merci Edgar Barré. Mario, but our princess is in another. We've got to get out of here. Stand your ground, brother. No, please. We need to get out of here. Stop the car. I said get in the fucking car. Go, go, go, go, go, go.